Madison Step, en piste, allez Madisonner. Madison Step, tapez des mains et vous rythmez sans effort en balançant votre corps. Madison Step, sur la piste vous dessinez. Madison Step, un M comme dans le verbe aimer. Pas à pas, là c'est parfait, c'est comme ça. One, two, three, four, on est d'accord et plus encore. Cinq, six, sept, huit, et pas plus vite. Dix de conduite, quel bonheur, Madison et tous en cœur. Madison Step, c'est mieux que bien, c'est même ok. Madison Step, ok, on ne peut plus s'en passer pour danser. Madison et vous savez, Madison et vous savez, Madison et vous savez, Madison et vous savez.